Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est samedi et il est l'heure de votre rendez-vous disco et funk. Pour la découverte du jour, je vous propose d'écouter le groupe Kashmir et son titre Do I Anyway You Wanna, sorti en 1983 et extrait de l'album Street Sound. C'est une pure bombe. Alors le groupe, il s'est formé en 1982 et il n'a enregistré que deux albums durant les années 80. Pas très très productif, on va dire. Ah, je n'ai pas trouvé grand chose d'autre sur lui, mais je voulais quand même vous faire écouter ce morceau. Allez, c'est parti. You can do it if you just desires, telling you to make a move, touch the flame, feel the fire. Alors on passe maintenant aux 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui, bienvenue à Hamilton Bohannon. Alors bien avant les voix, les arrangements de cordes et de cuivre ou les sons électro des synthétiseurs, l'essence du disco, ben c'est le beat. Et ça tombe bien, Hamilton Bohannon est un spécialiste. Lui, il pense que la magie du disco réside dans la manière dont les guitares, la basse, l'orgue et le clavinet communiquent. Keep on Dancing, tiré du second album, est un morceau construit sur deux lignes funky. Alors 4 ans plus tard, en 1978, il ressort le morceau en l'accélérant. Il reprend les lignes de basse, insère des breaks, des percussions et de guitare. Pour montrer la différence, il renomme le morceau Let's Start the Dance et en fait son plus gros hit. Alors il a aussi fait appel à une chanteuse, Caroline Crawford. C'est une chanteuse qui a sorti quelques titres pour la Motown. Alors cette dernière sonne avec autorité les danseurs à se joindre à un groove dévastateur auquel il est impossible de résister. Mais c'est pas fini. En 1981, rebelote pour le titre qui ressort dans une version beaucoup plus rap. Et Baroud Donner en 1983, Let's Start the Dance 3, dans une version plus house ressort. Comme quoi il maîtrise bien le recyclage Hamilton. Le morceau est une belle image montrant bien l'évolution du funk et du disco. C'est parti! Come on and do it. Come on and do it. Come on and do it. Do it. Alors pour la BO, on va écouter un dernier morceau de La Fièvre du samedi soir. Toujours les Bee Gees, et cette fois, on se prend une tranche de You Should Be Dancing. Alors il s'est paru sur l'album Children of the World, édité en 1976. C'est le premier single qui en est tiré. Ah, la chanson elle va rencontrer un énorme succès dans les charts US et canadiens en s'en classant numéro 1. C'est parti! Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors le maxi, on y arrive. Alors on va se faire une petite tranche de SOS Band avec leur titre The Finest. Cinquième extrait de leur sixième album, Sound of Time. Il s'agit de la dernière chanson chantée par Mary Davis, la chanteuse. La chanteuse à l'origine du groupe, bien sûr. Le morceau y sort en 1986 et il atteindra la huitième place des charts anglais et la première place des charts US. C'était en 1986 et ça donnait ça. The finest. As life goes on, you learn to hold on. You learn to appreciate the finer things in life. The finest. Oh, Alors, on se dirige vers la pépite du jour. On va reprendre une petite dose d'Oliver Cheatham. Extrait de l'album Saturday Night, je vous propose d'écouter Bless the Ladies, sorti en 1983. Il est la même veine que Get Down Saturday Night, car extrait du même album. Un bon titre bien funky. Alors, plein de dédicaces pour toutes mes collègues. Alors, comment elle s'appelle ? Fred, Steph, Lado, Bass, Coralie, Anne, et aussi mon cher collègue, vu que c'est Oliver Cheatham, le Gax. Allez, bonne dégustation, prêt au décollage. Bless the ladies of the world. Ladies of the earth. Oh, we need them. Ladies of the earth. Bless the ladies. Sweet as a flower. Très très bon Oliver Cheatham, j'espère que vous avez apprécié. Alors par contre, c'est déjà la fin de cette émission, mais quelque chose me dit qu'on va bientôt se retrouver pour de nouvelles aventures, bien sûr, funky disco. Alors je vous dis bon samedi soir, bon dimanche, bonne semaine et à bientôt sur Fadjet. Fadjet, pardon, bye bye.